بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 60 و 100 160 leçon في السؤال 72 و 400 1000 1400 son deuxième question ma uqubat allazi yal'an an-nas maintenant quelle est la sentence la punition de celui qui insulte maudit les gens في حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. Il a dit que les gens qui maudissent ou qui insultent ne seront pas des intercesseurs et ni des témoins. Je ne sais pas si ça veut dire parler des martyrs. Il a dit shuhada le jour de la résurrection. C'est-à-dire ça peut être des témoins en ta faveur, en la faveur des gens. Ou alors, ce qui veut dire par là le fait shuhada, le fait qu'ils ne pourront pas être des martyrs, ça je ne sais pas. Rapporté par Muslim. Et d'ailleurs, le Nabi Salam, il a bien dit, l'âne est mu'min kakotli. Le fait d'insulter ou de maudire le croyant, c'est comme le fait de l'avoir tué. Donc, quand là, c'est bab al-mu'min fousouk, ou kital ou kouf. Le fait d'insulter le croyant, c'est de la perversion, et le combat, c'est de la mécréance, c'est-à-dire mécréance mineure. Donc, le musulman n'insulte pas. D'accord? Il n'insulte pas. Ni ne maudit. Les gens. ثم قال في السؤال الرابع وسبعين واربعمائة وألف من كرسان سنت كاتوزيام كيستيون هل التبسم والبشاشة في الوجه المسلم من الأعمال الصالحة est-ce que le fait maintenant d'avoir un visage épanoui et de sourire est une chose est un acte parmi les actes de piété on dit في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طلقين Rawahu Muslim. Il a dit, ne sous-estime rien, ne méprise rien de tes œuvres, de choses bien. Ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère musulman avec un visage épanoui. Car cela apporte une récompense. Des fois, il y a des choses où on a du mal à les faire, des actes difficiles, mais il y a des choses qui sont un minimum qu'on peut se permettre de faire, comme le fait d'avoir un visage épanoui quand tout va bien. Car c'est vrai que des fois, ça ne va pas trop, on n'a pas trop le moral, on a eu des problèmes à la maison, des problèmes dans notre vie, on est malade. On n'a pas trop envie de sourire. Ça, c'est naturel, ça arrive. Mais celui qui se rappelle de cela, qui fait l'effort de sourire malgré tout, il en tire une récompense. Et si demain, nous, on voit notre frère qui ne sourit pas ou quoi, ne pas dire à notre frère, ah, il a un mauvais comportement, il ne sourit pas. Il se peut qu'il ait un problème. D'accord? Il se peut qu'il ait un problème. Qu'il n'a pas envie de parler avec des gens, qu'il lui arrivait des choses. D'accord? Ne pas s'en prendre à lui et le critiquer pour cela. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. De faire preuve de compassion. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est connu pour cela tout le temps, il faut lui faire le rappel. Tu vois? Faire le rappel et le conseil, donner le conseil. ثم قال في السؤال السادس وسبعين واربعمائة وألف 1476e question. اذكر حديثا في الأدب مع الكبير والصغير. Maintenant, il a dit, cite un hadith qui parle du comportement à avoir avec le grand et le petit. Hadith Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. Il a dit Rawahu Ahmed, qui le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte, qui n'est pas miséricordieux envers notre petit, c'est-à-dire les petits parmi les musulmans, et qui ne connaît pas le droit de nos grands. C'est-à-dire qu'il n'est pas respectueux envers les personnes âgées. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante. De respecter les gens, les personnes âgées, et d'être miséricordieux et doux envers les enfants, envers les petits. ثم قال في السؤال السابع والسبعين وأربعمائة وألف من كسر 77e question. إذا كان المجلس فيه كبار وصغار فمن يبدأ بالكلام؟ Maintenant, s'il y a une assemblée dans laquelle se trouvent des grands et des petits, qui donc doit commencer à parler? C'est qui est plus en droit de parler? Dans le hadith de Sal ibn Abi Hafma, il dit que Abdullah Ahmed ibn Sahel a voulu parler. Quand même, Abdullah ibn Sahel a voulu parler. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kabir Kabir. C'est-à-dire, en fait, laisse parler le grand. Abdullah Ahmed était plus jeune. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rattrapé en disant Kabir Kabir, c'est-à-dire, laisse parler le grand. La parole revient au grand. Fatakallama Huwaysa, ou Huwaysa, ou Muhayysa. Ibn Mas'ud muttafaqun alayhi. Donc lorsque des gens viennent, d'accord, le plus endroit de parler c'est le plus grand et le aql, ceux qui sont jeunes ils sont dans un groupe avec des personnes plus âgées qu'eux. D'accord ? À part si ceux-ci leur ont dit, Mathalen, les grands leur ont dit, si quelqu'un doit parler, c'est toi qui parles. Car tu es le plus savant, le plus éloquent, kaza kaza. Mais de façon générale, si des grands sont présents et qu'il y a une assemblée, qu'un groupe doit parler, laissez parler le plus grand, en premier. Là, c'est un comportement à avoir. Thumma qala fi soual al-thamin wa sab'in wa 400 wa 1400, 18e question. Ma huwa ajru man ahsana ila al-hayawan? Quelle est la récompense de celui qui est bienfaisant envers les animaux? Comme dans le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala baynama rajulun bitariq ishtadda alayhi al-atash fa wajada biran wa nazala fiha fa shariba minha. Que alors qu'un homme était sur un chemin, il s'est vu éprouvé par la soif, une grande soif. Donc il a trouvé un puits dans lequel il est descendu où il a bu. Thumma kharaja fa iza kalbun yalhas. Puis après il l'a vu en sortant, il a vu un chien qui comme on dit lorsque le chien il sort sa langue et qu'il souffle, qu'il respire fort, je sais plus comment on dit en français. Hein, qui était assoiffé également. Wa yaqul athara min al-atash, et qu'il, ce chien-là mangeait la boue. Tellement il était assoiffé. فقال الرجل لقد بلع هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلع مني. Il a dit, ce chien était atteint de soif tout comme je l'ai été moi-même. فنزل البئر فملا خفه ماء. Donc il est descendu dans le puits, il a rempli sa pantoufle, c'est-à-dire son khuf, d'eau. فسقى الكلب, puis il a breuvé le chien. فشكر الله له فغفر له. Donc Allah l'a remercié pour cela et il lui a pardonné. قالوا يا رسول الله فإن لنا في البهائم الأجر. Après ils ont dit les sahaba, au messager d'Allah, nous avons de la récompense dans les animaux, c'est-à-dire en se comportant bien avec les animaux. Il a dit fi kulli zatin kabidin ratbatin ajrun. Dans tout animal, en fait, tout animal qui a un foie, un estomac, d'accord, il y a de la récompense à avoir. Muttafaqun alayh. Dans une version que Allah l'a remercié et l'a fait rentrer au paradis. Donc quand on voit ce genre de hadith, c'est là qu'on se dit que le muslim n'a pas besoin de ce que les koufars appellent les droits des animaux, la SPA, ce genre de choses. Si le muslim qui craint Allah Azza wa Jalla n'a plus que ses ahadiths, l'animal sera bien traité. L'animal sera bien traité. Mais ces gens-là sont obligés de faire ce genre de choses car eux-mêmes sont des gens qui sont malfaisants à la base. Maintenant, chez les muslims, tu as des gens qui sont malfaisants. Il y en a. D'accord ? Il y en a. Également. Mais ce comportement ne leur vient qu'à eux et non pas à notre religion. Notre religion rend le droit à tout le monde. Rend le droit aux personnes âgées. Comme on l'a appris, rend le droit aux femmes, rend le droit aux enfants, rend le droit aux malades, rend le droit même aux animaux. Et avant ça, le plus grand droit à rendre est celui de notre Seigneur, Azza wa Jal. Et tous ces droits-là cités précédemment sont rendus lorsqu'on en rend le droit de qui du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en respectant sa sunnah et en obéissant ses ordres. Ça nous appelle à rendre le droit à toute créature qui a un droit. Ça c'est l'islam. Cette religion, elle est complète et parfaite. Donc, remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des adeptes de cette religion et qu'il nous rajoute de sa grâce, qu'il nous la fasse comprendre et appliquer et qu'il fasse qu'on soit une cause de propagation et que les gens acceptent son vrai visage. Amin. Thumma qala fi su'al at-tasi' wa sab'in wa 400 wa 1000. 1479e question. Est-il permis de tuer un animal sans cause, sans raison? Ça, c'est ce qu'on vient de dire auparavant, les droits des animaux. On dit, cela n'est pas permis. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inna a'zam indallahi rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada hajatahu minha tallaqaha wa dhahaba bimahriha wa rajulun nijs. استعمل رجلا فذهب باجرته واخر يقتل دبه عبثا رواه الحاكم. Il a dit, parmi le plus grand péché auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'un homme se marie avec une femme, puis qu'il accomplisse son besoin avec elle, puis la divorce et part avec sa dot. Également, un homme qui a employé un autre homme et qui ne l'a pas payé. Et troisième, c'est ça le shahid du hadith, qu'un homme qui a tué un animal, comme ça futilement, pour jouer sans raison. Donc également, ça revient au droit de l'animal. Et regardez également, là on parle du droit de la femme. Et on parle également de quoi? Du droit du travailleur. On n'a pas besoin de tout ce qui est syndicat, ce genre de choses. L'islam appelle à cela. Celui que tu as employé et que tu t'es mis d'accord avec lui pour un salaire, tu lui donnes. Et si jamais tu n'es pas content de son travail, tu le licencies, mais au moins tu le payes pour le travail qu'il a fait. Donc t'as des gens, ils jouent. Surtout quand ils emploient des frères nous rapportent, dans des restaurants ou quoi, comme ils font pas de papier, ils travaillent au noir, ils se permettent d'être injustes envers leurs frères. Et ça, ils rendront des comptes au Melkriyam pour cela. Naam. Va bien d'accord, Naktafi, Elium, ou Alhamdulillah, Bilalamin.